ce qu'on va faire, c'est que juste avant de commencer la game, on a deux affaires à faire. On va faire un tour de table vite vite, juste pour que introduire comme votre character, pour que les autres personnes soient au courant. Ok. Vous pouvez donner autant ou aussi peu de détails que vous voulez. Alors, on va juste faire comme un tour de table. Je sais pas si ça se fait. Comme un groupe d'alcooliques anonymes. Ouais. Hey, it's Mark. Bonjour, je suis Felipe. Je suis Felipe, je suis pas très grand, comme vous voyez, j'ai des petites grosses jambes. Je cours très vite, puis vous allez voir, je suis très plaisant, je suis très charmant, vous allez tous m'aimer. Et moi, vous savez que je suis avec vous parce que je peux vous ramasser du stock, hein? Et c'est moi, là, quand il y a quelque chose, là, moi, je vais aller voir le bon monde, je connais tout le monde ici, là. Et puis, moi, je vais aller jaser ça, là, puis vous allez voir que je vais vous sauver du trouble. Tu es un manager de bar italien. Au duo de Depp, de mon Depp, quand j'étais tout petit, il parlait tout le temps de même. Il parlait de business tout le temps, en plus. C'est ça, fait que c'est un peu ça. Puis là, je parle de mes relations, ouais, c'est sûr. Ça. Mais vous savez, j'aime tout le monde puis tout le monde m'aime, mais par contre, il y a du monde quand même là, tu sais, comme Milix là, le petit Milix là, le petit ménard là, lui, parce que lui là, il me donne des boulettes, ça, puis je lui ai jamais donné, lui, il me doit le pilser là, puis il s'en va tout le temps, le petit maudit. Un moment donné, il va me rembourser, lui. Puis vous allez voir que quand je peux là, je vais voir l'autre stalker là, Yassan, parce que Yassan est très. Il sait encore plus où ce que les choses se passent, les autres. En fait, lui, il faut que j'aille le voir là, faut que j'aille le voir. Entre nous, c'est correct, là. Hein? Je vous connais toutes d'une façon différente, là. Puis, vous allez voir, on va bien s'entendre. Max Cousteau. Max Cousteau. Il est de dos, genre, perché sur un top de shit. C'est une coupe de bandage loose. Dans le vent. Puis, je suis en train de jouer de la flûte de pan. Bonjour, mon nom, c'est Max Cousteau. J'aime bien la vie, j'aime bien les gens, j'aime tout quoi, j'aime vivre. J'aime pas la chronicler Astrina, elle me gosse tout le temps, elle veut jamais me laisser tranquille. Je pense que c'est pas ça. I love everyone. Mais surtout en plus, elle veut jamais me laisser tranquille. Je regarde l'horizon. I know there's something out there. Something bigger than all of us. We need to find it. Puis, c'est pas vraiment ça. Ouais. J'ai pas besoin de dire qui je protège. Non, non. Le mien, c'est no one. If they can protect themselves, they deserve to die. Moi, j'ai un mini dark side. C'est fine. Vraiment, tu me vois. Quand t'es mais si t'es useless, die. Notre enforcer Marl, lui, c'est quoi son deal? Who is he? What does he look like? Je Marl. J'haïs Esti Johamed, le petit fanatique religieux, j'en passe sa place, lui, m'a torturé. Comment qu'il t'a torturé? Comment qu'il a fait ça? Il m'a fouetté, Esti, la plante des pieds avec des câbles électriques. Des câbles! Super hardcore! C'est tellement précis! C'est parce que c'est dans le de police! C'est exactement ça! Là, wow! Damn. Parce que les pieds, c'est sensible, c'est un Esti de sadique. Philippe, Esti m'a déjà laissé pour mort à me donner, il s'est sauvé. Puis, oh non! J'ai pas fait ça! Sans prendre son reste, il s'est même pas retourné. Mais ouais, non. Je te connaissais pas encore. C'est correct, dans le fond, là. On arrive à Bertrand. Bertrand est là, son chien s'appelle comment? Bertholomew. On va peut-être entendre le chien de temps en temps. T'es un fucking petit chien. Moi, je suis Bertrand. J'ai ma capuche bien basse sur les yeux parce que j'aime pas ça que le monde voit toutes mes fucking taches de naissance autour de mes yeux, pis tout le fait que j'avais pas de poils d'en face pis que j'avais pas de sourcils. Ah. J'ai quatre bras aussi. J'ai aussi quatre bras, ce qui attire pas mal l'attention sur le haut de ma face. C'est vrai, ça me gosse. Bras, ça c'est insane. Fait que ça me gosse encore plus parce que genre, ça attire l'attention sur ma face. Fait que genre, faut que je mette ma capuche vraiment plus bas, fait que j'ai de la misère à voir. Genre, fait que là, je m'entraîne un chien, fait que je check mon chien, fait que ça m'aide à marcher, genre, je vois où ce qui s'en va. C'est une dog. Mais non. Non, je sais, c'est ça. C'était mon, c'était mon ancien chien. Oh, non. Ancien chien. Mon ancien chien s'appelait Mott, avec un T. Mott. Avec un M-U-T, T. Ouais. Puis mon nouveau chien, c'est Mott, avec deux T. Puis si tu tombes, je te conseille. Puis lui, il va rien y arriver. Parce que lui, c'est un chien qui se bat en plus. Là. Fait que, okay. Ça, là. Qu'est-ce qui est arrivé à ton chien? À ton autre chien, Mott? Mon autre chien, c'est fucking cœur, ce petit l'homme bébite de calice, là, tabarnak. Bébite? Quelle bébite? L'homme bébite, ce petit, là, comment il s'appelle? C'est Jonathan Calice. Jonathan. Il a piqué mon chien en mort, là, tabarnak. Ah, il a arraché oui. En face un moment donné. Ah, ouais, il fait des pauvre. Affaires de même, des fois. Le chien, il a l'air de quoi, juste pour que j'enlève l'image d'un petit chien, genre, chien terrible. En fait, ça pourrait être badass, tu sais, il y a des chiens qui étaient comme faits pour hunt, genre. Mm-hmm. Les petits chiens là, comme genre, je pense, c'est quoi? C'est les teckels, entre autres. Mais les teckels, mais les. Genre les terriers. Les terriers. Okay, c'est juste un. Littéralement okay. Un mot, là. Ouais. C'est genre, ouais, c'est un bâtard, ça, là. Un bâtard, mais comme bulldog, un peu, là. Bulldoggy. Mais tu sais, mix sûrement avec un des chiens de chasse, là. Fait que, soit il y a du basset, pis c'est un basset haut sur patte. Dans le fond, ça serait. C'est un basset haut. C'est du coup de combat. C'est un bloodhound, dans le fond. C'est un petit coup de combat. Y avait-tu d'autres choses qu'on devrait savoir pour Bert? Je vous trouve tout bizarre. Mais c'est correct. Parce que moi, j'ai quatre bras, fait que j'ai rien à dire. Quatre bras pis pas de poils. J'ai rien à dire, j'ai juste à agir, moi, tu sais. Ok. C'est correct. C'est la première affaire qu'on avait à Get Out of the Way. La deuxième chose, on va faire un assemblée pour décider quel project. Le arc commence à travailler. Vous pouvez nominer autant de projects que vous voulez. Si vous voulez commencer tous les projects en même temps, vous pouvez. L'affaire, c'est que à toutes les games, chaque character a la chance de travailler une fois sur le project. Chaque project a un nombre de points, comme un nombre de work points qui doivent être accumulés pour que le project soit fini. Les projects permettent au arc de se développer, fait que ça va augmenter une des quatre stats du arc qui sont food supply, culture, technology puis warfare. Si vous commencez un project, c'est cool, tout le monde peut travailler dessus, il va finir plus vite, mais ça va être un à la fois. Si vous voulez commencer deux projects en même temps, vous pouvez. Puis dans le fond, quand on fait une assemblée, c'est qu'on en discute tous ensemble. Puis c'est pas nécessairement par rapport à vos characters, ça représente comme le village. Ça représente le arc au complet. Là. C'est, genre, c'est un petit peu comme ce que tout le monde veut faire. Ça représente l'intérêt de tout le monde, un petit peu. Une assemblée, c'est ça. Ouais, fait que je sais pas, y a-tu quelqu'un déjà. Là, déjà, Max, lui, il disait que il avait l'air d'aller plus vers les trucs qui avaient de la bouffe, j'ai goût de dire. Mm-hmm. Les croplands, le hunting party, ou sinon de faire un mill, de le faire pour. Crush les gars. Ouais, genre pour faire du pain, genre du moss bread. Encore, ouais, c'est ça, ça serait du moss bread parce que encore faudrait-il qu'on puisse faire pousser des crops. Faut okay, qu'on c'est fasse ça. Pour faire pousser des crops avant de dans, faire un meal. Dans Oxygen, Nothing to Do, dans un jeu, ils font des mud bars, genre, avec de la terre pis de l'eau comprimée, genre. Là, des fois, ça leur donne du vomi, genre, ça leur donne du vomi, genre. Les mais tu sais, tu vois, comme le meals. Ils font des lice slow. Par exemple, le Mills, il est pas disponible en ce moment. Tu vois, le Mills, l'affaire, c'est qu'il y a des projects qui ont des requirements. Il y a des projects qui ont des requirements qui sont comme soit des niveaux de développement minimum ou d'autres projects. Tu sais, comme mettons le Mills, ça serait intéressant, sauf que ça nécessite d'avoir déjà un cropland, d'avoir au moins 10 de technologie pour le arc. Ce qu'on n'a pas mal. En ce moment, les stats du arc, c'est 3 en food. Les stats, c'est genre de comme 0 à 40, juste pour vous donner une idée. Okay. 3 en food, 4 en culture, 3 en technologie, puis 2 en warfare. Qu'est-ce que les stats donnent, comme tel, grosso modo? Le food supply, le plus le food supply est haut, le moins, si vous voulez acheter du grub ou de la bouffe, le moins ça coûte cher. Ok. Le culture, ça vous permet surtout d'identifier des trucs dans la zone. La technologie, ça vous permet beaucoup d'utiliser des artefacts que vous allez trouver. Le warfare, c'est que ça se peut que le arc se fasse attaquer par des affaires des fois. Tu mets ça dedans. Fait que ça vous permet de vous défendre mieux. Puis aussi le food supply, ça représente aussi, c'est que à chaque fin de game, on va faire savoir combien de monde qui sont morts dans l'arc. Genre, fait que plus il y a de food, moins il y a de chances que le monde meure de faim aussi. Le Mills, on peut pas vraiment parce qu'on a pas le tech. Max, tantôt, il parlait du cropland. ou d'organiser des hunting parties. Mm-hmm. Y a-tu quelque chose que quelqu'un d'autre avait accroché qui se rappelle dans la liste ou... Chloe a suggéré de choisir une forme de gouvernement, soit collectivisme, qui est genre comme le arc devient genre communiste. C'est genre, on n'a pas le droit de posséder rien tout seul, mais c'est pas Le free fini. Enterprise, l'arc devient genre super capitaliste. Elle avait suggéré aussi d'établir une banque. Mais ça, Philippe, c'est directement lié à ses intérêts, parce qu'il veut pouvoir déposer son... Sauf que la banque, vous pouvez pas pour l'instant. Pourquoi? La banque, ça nécessite trop de culture. Ok. Sinon, Chloé avait suggéré aussi de juste établir des défenses de base pour le Ark, vu que le Warfare du Ark, c'est le stats le plus bas. Sinon, il y a ça. T'avais suggéré peut-être un school, sinon? Ouais. Ça, c'est peut-être plus tard, je sais pas. Le school, vous y avez pas accès encore. On a accès au théâtre. Ouais, au théâtre? Non, on trouve pas. Ça prend trop de technologie ou de culture. Trop de technologie. Des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, des rideaux, Défense, Hunting Party, Cannibalism, Cropland, Slave Market, Pigsty, Temple, Zone. On a assez de trucs pour le faire. Ouais, oh, ouais. Oh shit. Pigsty, Zone Wrestling. C'est quoi Pig? Pigsty, c'est genre une porcherie. Une sous à cochon. Pigsty, Zone Wrestling. Ça va être ça. Son Expedition Museum. Là, si on je préférerais les Cropland. On recommence. Mais aussi, c'est que si on a le Pig Style, on, éventuellement, on va pouvoir aller se pogner le Smokehouse aussi, genre. Pour avoir du. C'est pas du bacon, genre. Pour avoir de la maladie porcine, man. Tout le monde, c'est, il n'y a pas de votre production. Ouais. Tout le monde va tranquillement d'ailleurs. J'aime ça. Fait que c'est ça. Tout le monde est genre infertile. Est-ce qu'il y a des enfants? Non. Vous en avez jamais vu. Mais est-ce que ça veut dire que c'est impossible? On sait pas. Ben, on est là. Fait qu'on va se dire qu'il y a une chance. Fait que comme je disais, fait que ce que vous avez disponible dans le fond, c'est pourquoi vous avez des requirements. Il y a des consoles de défense de base. Hunting Party, Cannibalism, Cropland, Slave Market, Pigsty, Temple, Zone Wrestling. C'est des affaires qu'on peut faire. Ouais. C'est ce que je permettrais Museum parce que vous êtes un point short de culture de pouvoir le faire. Ok. Fait que je vous le permettrais dans le fond. Voici que... la première fourchette qu'on a trouvée. Ouais. Un musée de quoi, on va un musée de vieille affaire de porte toi, Chloé, y a-tu quelque chose là-dedans qui te. Dans les vieilles bottes, c'est quoi qui t'accrocherait le plus? Je veux dire, il y a comme quelqu'un à quelque part qui aurait dit mais les défenses, think of the children, mais là, il y en a pas. Fait que ça marche pas. Ben, Philippe pourrait dire des défenses parce que je veux garder mes bullets. Okay. Toi, tu dirais moi, j'ai besoin de mes balles de base. Puis ouais, ça va augmenter le Warfare, puis Warfare c'est le plus bas stat du arc. Max Cousteau. Ça n'intéresse pas. Non, mais toi, ça serait bien. Y a quelque chose qui t'accrocherait plus? Ah, dans le. Non, dans c'est la fine. Liste. Je laisse la communauté. Non, mais je veux ton vote en tant que joueur. T'es partie de la communauté. Crap! Décide de parler en dernier. Genre, soit des défenses ou genre un cropland. Là, je trouve que sounds good. Toi, Loïc? Pas mal la même chose, là. Défense cropland. Ok, puis Max? Cropland. Voulez-vous faire les deux projects en même temps ou prioriser défense ou cropland? Fait que c'est égalité, hein? Ouais. Juste, qu'est-ce que ça inclut exactement, genre, les faire les deux en même temps? Parce que tu comme... La part, c'est que à toutes les, games, vos characters peuvent. Qu'est-ce que tu définis par une game? Quand alors, comme les une sessions. Fois aujourd'hui. Ouais. Même si on jouerait 8 heures, 12 heures. Ouais. Ok. Ouais. Shit! On va pas faire de binging. Fait que vous pouvez commencer les deux, c'est juste qu'ils vont chacun avoir un nombre de points. À chaque game, votre character peut comme travailler une fois sur un project. T'sais, comme par exemple, les defense, ça va prendre soit du monde qui vont faire des jets de force ou des jets de scout. Ok. Puis le cropland, ça va être soit des jets de injure ou des jets de know the zone. Injure. Oh, ok. Ouais. Endure. Endure. Les défenses, ça va prendre 8 work points pour qu'ils soient finis. Puis le cropland, ça va en prendre 12. Mais, tu sais, mettons par exemple, le defense, c'est plus 2d6 de warfare, puis le cropland, c'est plus 3d6 de food supply. Puis ça aussi, c'est aléatoire-ish. Ouais. Fait que ça dépend comment qu'on était bon pour faire ça. C'est juste deux défenses, ça. On a fait vraiment genre du ragged ninja. Fait que, est-ce que vous voulez commencer un des deux ou les deux? Mais moi, je dis les deux. Parce que moi, de toute façon, je regarde dans mes stats, puis moi, je pourrais juste faire de la défense, anyway, si je construis quelque chose. J'ai ni de node de zone, ni de injure, mais okay. J'ai les deux autres. J'avoue que moi, je serais meilleur pour aussi la défense. Moi, j'ai du node de zone. Mm-hmm. Ouais, un peu, moi aussi. Fait que, voulez-vous faire les deux en même temps? C'est un. Mais en fond, si on dit on fait les deux en même temps, on peut quand même décider de tout pitch in sur la défense. Sur la même. Ouais, ouais, ouais, y'a pas de problème. Ouais. Okay. Fait qu'on dit defenses. Puis croplands. On y va à la base. Ok, ben là, gars, déjà, on va introduire le concept du comment qu'on construit des dice pools. Fait que tout le monde peut travailler sur un project. Comme je disais, la défense, ça, c'est soit force, scout. Puis les croplands, c'est. Endure. Pas de scout. Non, j'ai find the path, puis no the zone, vraiment. Ok, fait que comment vous construisez un dice pool? Un dice pool, c'est que vous prenez votre attribut, ben vous prenez le skill pour commencer, excusez. Vous prenez le skill, plus l'attribut, puis s'il y a du gear que vous pourriez utiliser, vous pouvez l'ajouter. Là, je pense pas qu'il y a personne qui a du gear qui fait ça. Ben, c'est plus un bonus. C'est pour travailler sur un project. Fait que. Est-ce qu'on ferait ça tout de suite? Ouais, on va faire ça juste pour que tout le monde voit comment on construit un dice pool. Okay. Fait que si vous voulez travailler sur les défenses, c'est soit force ou scout. Mm-hmm. Si vous voulez travailler pour le cropland, c'est soit injure ou know the zone. Ouais. Fait que maintenant, toi, Chloé, qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce que Philippe... Mais moi, c'est sûr que c'est... Philippe, il va faire la défense. Il va faire la défense? C'est logique, là, de toute façon. Fait que c'est quoi son... quel skill qu'il va prendre? Je vais faire force. Fait que là, ça, c'est un de skill. Le skill, c'est fight ou scout? Non, c'est force. Ah, c'est force, ok. Fait que ça, c'est un de skill. Fait que t'as un dans ton skill, ouais, ok. Puis là, attends, je vais regarder, c'est wits ou. Ah non, en fait, wits, j'ai plus de wits. Fait que je vais faire de toute façon un pour scout. Ok. Puis j'ai 3 de wits, fait que je prends 3 des bleus. Ouais. Puis j'ai pas de gear. T'as pas de gear. Puis là, tu brasses tout ça ensemble. Il faut que j'aille des 6. Tu veux que tu cherches des 6. Tu push ce jet là. T'en as aucun. Là, t'as le choix. Si tu veux, tu peux décider de push ton roll. Mm-hmm. Ça veut dire que tu reroules toutes les dés qui sont pas des 1 ou des 6. Mm-hmm. Sauf que si tu pognes des 1, ça va être du dommage que ton character va avoir directement sur le stat que t'as roulé. Fait que là, mettons, ton stat, c'est quoi? C'est wits? Ouais. Fait que tu vas prendre. J'aurais un confusion. Tu vas prendre du confusion damage. Okay. Mettons que tu roules 4-1, tu vas prendre 4 de confusion damage. Quand même, hein? Puis comme après ça, tu peux-tu comme le. Tu peux healer, oui. Okay. Est-ce que tu veux reroll ou tu fais juste comme t'essayes d'aider puis Philippe est juste pas assez. Je vais essayer un autre coup, voir ouais. Ce que ça donne. Tu peux juste suite push. Admettons, elle pognerait 4-1. Ouais. Est-ce que c'est arrivé vu qu'elle a. Admettons, là. Ben là ça serait 4-1 dans quelle stats? Dans 3 dans wits. Dans wits? Wits, c'est quoi? C'est du confusion damage? Ouais. Ça veut dire. Comment t'es petit peu indiqué? Comment tu heals du confusion? Tu heals du confusion. Mais je veux dire, en fait, parce que ça ferait 4 dommages puis elle a 3 de stats. Elle deviendrait broken. Ok. Elle peut plus rien faire. Ok. Tant qu'elle heal pas. De wits ou de tout? De wits. Ok. Ben, elle peut de tout, en fait. Je veux dire, si t'es broken dans ton damage, tu tombes par terre. Là, tu peux pas, même si t'es plein d'agility, tu peux pas. Tu peux pas. Non, c'est tumbles. Et tu vas push ton roll, ok, parfait. Dès le départ. Dès le départ. Attends. Ok, tu vois. Ben, j'ai pas t'as eu pogné aucun damage, t'es all fine, t'as eu un success. Ça, c'est pour le defense. Ouais. Ok, parfait. Alright. Fait que tout le monde a compris comment ça fonctionne, faire un dice pool. Yeah. Fait que tout le monde choisissez ce que vous voulez faire, construisez vos dice pool, puis on roule ça. Alright. T'étais concentré sur ton bat. T'as tout compris en un confused là. Ta plus haute stat c'est 5. Fait que tu prends 5. Mon dieu, t'as même beaucoup de dés là. Ça c'est agility. 2 de force pis 5 de force. Okay. J'ai 2 de force de skill pis j'ai 5 de force. Ok, fait que tu travailles sur les défenses. On regarde ma plus haute stat. C'est un peu. C'est plus 1. Fait que tu vas prendre. Là je te dirais mettre les 6 pis les 1 de côté. C'est quand tu fais des fights. Avec ton beau. Là, dans le fond, t'aurais un succès. Là. Tant que tu pushes pas, les 1 ça compte comme pas. Okay. C'est juste que si tu rerolls, c'est sûr que tu pognes un damage. Ok. Puis là, mais, admettons que je reroll. Parce que lui, c'est comme une confirmation. Sauf que si tu reroll, tu vas pogner un damage, c'est sûr, mais tu peux aussi un mutation point. Parce que c'est dans le bleu. Chaque damage que tu prends quand tu pushes un roll, tu gagnes un point de mutation que tu peux utiliser pour activer tes mutations. J'ai un pogné 4 des bleus, un des jaunes. Tu veux-tu peut-être te blesser? Ouais. Zéro hésitation là. T'auras pas de dégâts si tu roules. Oh! Deux. Deux points, pis pas de succès. On est sur 0 succès à date? À date, 2. 2 sur 8. Ok. Ok. Mais Loïc a push un roll, il s'est pogné du damage, mais il a gagné 2 mutation points aussi. Fait. Oh. En faisant quoi? En mettant de la défense. Genre, j'ai essayé de lever un gros shit, pis ça m'est tombé dessus. J'en crame. Le sac, tu te développes de toi dans le dos, genre. C'est mon reset, un thing. Tu pognes un dommage en wits. Genre, la colonne vertébrale qui adopte une nouvelle forme, pis le cerveau, genre, qui unlock. Qui crame tous les organes. Le mec, il reste juste toi. Sur quoi tu veux work? Je pense que le meilleur dé que je peux faire, c'est Know the Zone. Okay. Avec mon wits. Fait que c'est le Cropland. Fait que je vais essayer de faire ça. J'adore que votre guide zone a pas mis de points en scout. C'est moi le scout. Non, c'est lui le scout. C'est toi le scout. Ok, c'est bon. Moi, j'ai juste du find the path. Moi j'ai du know the zone. Ok, c'est là. Max, peux-tu aller checker? Va checker. Moi je vais faire ok, je vais plus dans mon champ de vision, je vais faire dog, go check. C'est plein de délégations. Le shit rolls dans le monde. J'ai un succès, je pense. C'est seulement les 6, right? Ouais, tu cherches des 6 pis des 1. J'ai pas de 1, j'ai un 6. T'as un 6. Si tu veux, tu pourrais essayer de push ton roll. Okay. Est-ce que tu veux re-roll toutes les dés qui ont pas hit? Let's go! Let's push! Okay, let's get mutated! Push it to the limit. Rien. Nothing happens. Là, admettons, là, il re-roll, y'a rien. Est-ce qu'il peut encore re-roll? Non, okay. Tu peux juste push une fois. Ok. Avec les deux trucs, tous les deux, 2 points dedans. Lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûr. Quand toi, t'as fait l'autre aussi, pis t'as. Mais j'ai fait les Croplands. Moi, j'ai fait un succès dans les défenses. Dans le fond, c'est peut-être mieux que. On a tous eu un succès. C'est mieux que tous, sauf qu'en même temps, à mener, c'est mieux que tous. C'est mieux que tous. C'est mieux que tous. C'est mieux que tous. Parce que nos stats sont pas assez hauts. Ça, ça va-tu monter un peu à travers les games, nos stats? Peux-tu me faire un workbench, genre? Un strap workbench. Jusqu'à un certain niveau, je pourrais me permettre éventuellement, tu sais, si jamais, genre, quand tu faisais un work. Parce que, tu sais, mettons qu'à un moment donné, on va dire que, je sais pas, là, t'as genre 20 bullets, t'as full de bullets. Moi, je vais te permettre de dire, genre, ok, genre, je paye plein de monde pour qu'ils travaillent plus sur le project, tu sais. Ça, j'ai pas de problème avec ça.